c'est que ce n'est pas parce qu'on s'est libéré de petites idoles qu'on ne peut pas tomber dans le piège de plus grandes. Ce n'est pas parce qu'on s'est libéré de la petite idole qu'est le moi qu'on ne pourra pas tomber de l'idolâtrie de quelqu'un qui est peut-être plus grand que moi. Mais ça reste une idole.